au lecteur. Ce livret n'est pas un pamphlet, c'est une investigation. Il part d'une polémique concrète et très actuelle, celle qui agite les milieux évangéliques africains autour de la rémunération des musiciens d'église pour aller chercher, sous le bruit des opinions et des anathèmes, les fondements réels du débat, les mots. Les mots originaux dans leur langue première, avec leur sens d'avant les siècles de traduction et d'arrangement institutionnel. La méthode utilisée ici s'appelle l'investigation lexicocentrique. Elle repose sur une idée simple. Pour débattre honnêtement d'un principe, il faut d'abord savoir de quoi l'on parle. Et pour le savoir vraiment, il faut retourner à la racine des mots, là où leur sens est encore intact, avant que des traditions successives ne l'aient recouvert, déplacé ou instrumentalisé. Ce texte s'adresse à tous, à ceux qui ont senti, sans toujours pouvoir le formuler, que quelque chose ne tenait pas dans la logique qui réclame la gratuité de ceux dont la compétence est la plus sollicitée, à ceux qui défendent sincèrement la position adverse, parce qu'une bonne foi mérite d'être nourrie de vérité, pas de tradition reçue, et à ceux, nombreux, qui sont simplement perdus dans un débat, où tout le monde cite la Bible mais personne ne s'y retrouve. Chaque chapitre se termine par une leçon formulée en français simple et directe. Ces leçons sont le distillat de l'analyse. Elles sont faites pour être retenues, partagées et, si nécessaire, opposées calmement à ceux qui instrumentalisent la spiritualité pour éviter d'honorer leurs dettes. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Proverbe 25:2.